travers le temps, on pleure comme on rit. Plus l'espoir fout le camp, nos rêves partent en fumée. Rien ne va plus, faites vos jeux. On sait ce qu'on a à faire, même si c'est dangereux. On pète les plombs sous la pression de la life. Sous un soleil de plomb ou aéré toute la night. Chacun sa vie, ouais, chacun sa voix. Chacun ses choix, certains perdent la foi. Parfois dans l'erreur, la colère sème la peine. La douleur est comme la mort, elle n'a pas de couleur. La pente est rude, hein, j'en connais plus d'un qui rêverait de partir dans le sud, hein. Mais la vérité c'est que c'est partout la même. C'est la merde dans nos têtes, alors vas-y ramène un peu de shit pour m'évader. D'alcool pour oublier, mais demain mon réveil, je sais que rien n'aura changé. On sait ce qu'on a à faire, on va le faire tant qu'il est chaud. Avant que la vie nous refroidisse ou l'esprit meurt dans un cachot, esclave de nos peurs, on accumule nos erreurs. Faut travailler sur nous-mêmes, améliorer nos défauts. C'est ce qu'on a à faire, on va le faire tant qu'il est chaud. Avant que la vie nous refroidisse, l'esprit meurt dans un cachot. Esclave de nos peurs, on accumule nos erreurs. Faut travailler sur nous-mêmes, améliorer nos défauts. La vie trace à toute allure, mais n'a pas de pilote. Je vois les vagues de l'âme, j'embarque sur ma pirogue. Je découvre qui je suis, j'ai des démons qui me suivent, qui se cachent dans mon ombre, mais les larmes noires s'essuient. Je sais ce que je fais, je sais qui je suis. Peu importe les erreurs, ce sont elles qui parlent de la vie. Nos esprits sont camisolés, on n'assume plus, on est désolé. On n'assume plus qui on est, chaque jour on meurt puis renaît. J'ai besoin de prendre des décisions, d'avoir des convictions. Ma voix est un volcan, mes mots de la lave en fusion. Les fantômes du passé traversent le mur du présent. Dirige ton futur mais ne perds pas de temps. J'ai besoin de savoir, de suivre ma volonté. De fuir vos préjugés, d'écrire mes vérités. Beaucoup vivent sous la main d'un maître invisible. Mais sachez que la confiance en soi est une force invincible. On sait ce qu'on a à faire, on va le faire tant qu'il est chaud. Avant que la vie nous refroidisse ou l'esprit meurt dans un cachot. Esclaves de nos peurs, on accumule nos erreurs. Faut travailler sur nous-mêmes, améliorer nos défauts. On sait ce qu'on a à faire, on va le faire tant qu'il est chaud. Avant que la vie nous refroidisse ou l'esprit meurt dans un cachot. Esclaves de nos peurs, on accumule nos erreurs. Faut travailler sur nous-mêmes, améliorer nos défauts. Yeah, 007.